L'empoisonneuse par Paul Bonnetin. Mon empoisonneuse, s'écria le capitaine Rodier, et une seconde il chercha l'œil en l'air comme un homme qui ayant eu beaucoup d'aventures en oublie quelques-unes. C'est vrai, reprit-il, c'est pourtant vrai. Je vous ai parlé de cette vieille histoire à propos de la sœur Saint-Clément. Ah, l'on a bien raison d'affirmer qu'il ne faut rien dire devant les enfants. Eh bien, la voici, mon histoire. Elle est plus courte que les autres, je vous préviens. D'abord, vous connaissez déjà le cadre, ce pénitencier de Saint-Laurent-du-Maroni, à la Guyane, où sans la sœur je serais mort. Nous étions là une demi-compagnie, et je vous l'ai raconté, nous vivions comme des séminaristes. La caserne, située près du fleuve et près du bagne, était flanquée d'un grand jardin que notre unique travail était de cultiver. Avec la cantine voisine, pas d'autre distraction. Impossible de sortir. Le soir, nos hommes jouaient à saute-mouton en gilet de flanelle devant la porte. On eût dit un pensionnat d'élèves barbus. Ou bien l'on chantait. Vous savez, ces vieux chœurs de troupiers, la chasse, les montagnards, halte là, halte là, halte là, les montagnards, halte là, halte là, halte là, les montagnards sont là. Ah, les montagnards, les beuglettons au pied des cocotiers sous les étoiles. Et nous comptions les jours, impatients de rallier Cayenne, paradis relatif. À Saint-Laurent, nous étions continents par force. Aussi, malgré le climat, quelques-uns engraissaient-ils. Pas même d'exercice physique à cause de la chaleur, hors la baignade. Encore celle-ci était-elle soumise aux caprices des marées qui remontaient le fleuve très avant. Sans compter qu'on ne pouvait barboter à son aise. Dans toutes les chambrées, un ordre officiel prescrivait de revêtir des caleçons épais, et de ne point s'écarter du bord pour éviter les pirailles. Un poisson du pays qui s'accroche au bas-ventre des nageurs fait ventouse et vous coule. Le village de la transportation où vivaient les forçats en ménage, libérés ou demi-libérés, était tout proche. Seulement, vous vous rappelez qu'il nous était interdit sous peine de punition sévère. Naturellement, nous ne pensions qu'à forcer la consigne à cause des femmes. Quelles femmes, pourtant, Seigneur ? Des condamnés, elles aussi, ou des filles de condamnés, mais qu'importe à des appétits de 20 ans. Nous en avions vu quelques-unes de loin qui semblaient jolies. Cela suffisait à nos fièvres. Enfin, n'oubliez point que le temps et la cohabitation restent des répugnances. Nous, nous étions habitués au forçat, au fagot, disions-nous, et peut-être, parce que nous étions plus malheureux qu'eux, de la pitié remplaçait nos dégoûts de l'arrivée. Aussi bien, à la Guyane, rien ne signale le condamné extérieurement. Ni bonnet vert, ni boulet, mais un costume de planteur, un vêtement de coutil, un chapeau de paille, et là-dessous, des airs bonasses, une bonhomie finaude. Le règlement fait donc bien de punir quiconque parle à ces parias dont on oublie le passé, à les voir beaucoup plus libres et mieux traités que les soldats. En ce temps-là, cependant, nous ne la comprenions pas trop, la consigne. Tant et si bien que renseignés par nos prédécesseurs dans le poste, nous entrâmes, une nuit sans lune, dans le village de la transportation. Et l'on y revint. Un cabaret nous avait séduits, un immonde caboulot, où de même les patrons, délibérés concessionnaires, nous réservaient une arrière-salle donnant sur les jardins, un coin où nous étions seuls, sans contact possible avec les consommateurs. Ceux-ci, le débitant les servait en personne, bougeant peu de son comptoir. Sa femme, au contraire, s'occupait de nous, et pour l'avoir plus longtemps, pour sentir à chaque instant sa jupe et nous exciter davantage, nous demandions d'incessant tourner que buvait la sciure de bois sous la table. C'était elle, l'empoisonneuse, on l'appelait Maria. Par un surveillant, on savait son crime ancien, la copieuse distribution de Morora qui de son village l'avait jetée au bagne, où sa bonne conduite avait amené les sœurs et l'administration à accorder sa main à un forçat libéré, vieux paysan incendiaire, qu'on disait chaste et probe, et qu'on respectait pour cela dans la famille courante. Jolie, sûrement elle l'était. J'ai beau me dire que notre continence faisait notre jugement indulgent, je la revois telle qu'elle me frappa, désirable, jeune encore. Fille de notre midi, cuite de soleil à l'avance, elle avait résisté au climat, plus ambrée seulement, des teintes olives cernant ses grands yeux de vauclusienne. Tout de même, les traits un peu durs, avec des lèvres étranges, suant le baiser dans son sourire et vous pinçant les reins, des lèvres qui rentraient dans sa colère, amincissant tout le visage, où son nez de juive s'accusait alors. devenait méchant. Moi, ce que j'aimais surtout en elle, c'était son menton court et rond, gras en dessous. Là, la peau était restée blanche, plus blanche auprès du hâle des joues et du col. Et puis, ses yeux de fauve, des yeux verts, gris et jaunes, suivant le ciel et son humeur, avec des points d'or toujours, et parfois des lueurs de sang, des yeux de bête en rut, des yeux de bête qui mord. J'ai vu des cougars sucer la veine jugulaire d'un bœuf. Ils avaient cette prunelle jouisseuse. Tous, nous la voulions, cela va sans dire. Nous étions cinq, très bons camarades, et nous nous serions ouvert la peau pour elle, sur un signe, incapable de nous la partager, ainsi que nous l'avions d'abord projetée, le premier soir, dans notre commun sevrage, et la fraternité de notre boulimie. Elle était trop belle. Et le soir, en regagnant la caserne, la chambrée des sous-officiers, nous parlions de pluie et de beau temps pour ne pas nous fiche des coups de sabre. Ce fut moi qui l'eus. Une nuit, en rentrant avec les autres, je vis que mon ordonnance était de faction, que je ne risquais rien, et je ressortis en sautant par-dessus la palissade. Je courus au cabaret, j'entrai par derrière, et j'appelai Maria. Le mari jouait aux cartes. Elle vint seule. Notre débat dura 5 minutes. 5 bizarres minutes. Pour ne pas attirer l'attention, je chantais tout en la regardant, tout en l'enlaçant, et ma voix me faisait l'effet de sortir de dessous les dalles. Tout à coup, ses yeux, ses grands yeux de louve s'apaisèrent. Le banc craqua, je frissonnais, mais le mari ne parut point. Il comptait ses atouts derrière la cloison. Je partis les jambes molles, les lèvres dures, et je revins la nuit d'après, tandis que ma camarade dormait, la nuit d'après et les 4 ou 5 suivantes. Seulement, chaque fois, je m'impatientais de cette possession banale, si brève, qui nous laissait briser, la peau tendue, allumée d'une âpre fringale. Je la suppliais de se donner ailleurs que sur ce banc, tout entière, hors de cette salle empuantie d'alcool. Hors enfin des étoffes où s'embarrassaient mes mains. Elle résistait, parlait de jalousie du vieil homme, de son mari, ses venoles soupçonneux, aux colères féroces et froides. Mais à la longue, je lui soufflais si fort la folie de mon désir qu'elle céda, la lèvre humide, soudain raidie. Nous convînmes que je monterais dans sa chambre le surlendemain, avant la fermeture de 11 heures, pour profiter de l'absent du vieux qui serait à la pêche. Comme beaucoup de ses camarades, le cabaretier fabriquait de la colle de poisson et possédait une barque amarrée sous l'appontement du quai par une chaîne à cadenas. Pour descendre le fleuve, il lui fallait demander au directeur du pénitencier une permission sur le vu de laquelle le sergent de garde ouvrait le cadenas, et au moins il en avait alors pour 24 heures. À 10h30, j'étais là. À 11 heures, je payais brusquement mon hôtesse et je partais même. Seulement, une fois dehors, je grimpai le long d'une des colonnes soutenant la véranda, et j'entrai dans sa chambre. Presque tout de suite, elle vint, sans bougie. La lune éclairait la pièce jusqu'au fond du lit et bleuissait la moustiquaire. Je la pris alors et je lus, longuement. La lune se promenait le long des murs, écornait un miroir sur la cheminée et frappait à côté sur un portrait d'enfant, un portrait de village, dans un cadre de fausse écaille, si clair ainsi que je distinguais le costume, la robe empesée et le guéridon traditionnel sur lequel s'appuyait le gamin. Cependant, dans une lassitude heureuse, notre étreinte se dénouait. Nous parlions. D'anciennes curiosités me revenaient plus aiguës dans le repos de mes sens. Je voulais savoir les détails de son crime, comment elle avait pu tuer, si jeune alors, si jolie, et tout en caressant sa chair fraîche, j'avais une joie perverse à prononcer le mot d'empoisonnement, à remuer cette odeur de crime dans ce lit d'amour. Mais elle secoua la tête et très doucement. « C'est rien, mon chéri. Parle pas de ça. C'était mon premier mari. » Elle n'avait point de honte, mais une belle inconscience tranquille. À peine l'embarras, presque coquet, d'une femme à qui l'amour heureux demande compte de ses amours antérieurs. Pour arrêter mes questions, elle se coulait contre moi, en faisant glisser l'épaulette de sa chemise, et me fermait la bouche avec sa gorge. Ou bien elle m'interrogeait à son tour sur la durée de mon séjour à Saint-Laurent, et ensuite à Cayenne. J'allais rentrer en France, n'est-ce pas? De quel pays étais-je? Brusquement, elle s'attendrissait à la pensée de ce retour. Ah, j'étais heureux, moi. Je sentais qu'elle n'osait parler de son pays, des siens. Le voyage en paquebot l'intéressait seul en apparence. On devait être joliment bien sur le pont, bien libre. Là-dessus, elle se taisait. Et je la devinais ruminant son voyage de France à Cayenne, l'horreur des cages dans l'entrepont. Un instant après, elle me demandait ce que je comptais faire à ma libération, là-bas. Là-bas, c'était le pays. Ensuite, je ne sais à propos de quoi, elle parla des chansons qu'on chantait de son temps. Elle en fredonna même quelques-unes, des âneries entendues à Avignon ou à Beaucaire, dans quelques beuglants à l'instar de Paris. Mais ces vieux airs bêtes, ces refrains si oubliés, devenaient touchants, chantés par elle. Et cela la remuait sans doute, car elle eut un gros soupir et se jeta sur ma poitrine pour noyer ses souvenirs dans des caresses. Or, nous nous désenlacions à peine que, sans savoir pourquoi, par un instinct de chasseur peut-être, je me dressai sur le lit, pensant pour la première fois au danger de ma bonne fortune. Je n'entendais rien, la pièce était vide, et un pressentiment que je trouvais stupide, mais qui m'oppressait, me disait pourtant de partir. En vain me retint-elle. Je m'habillai. Une fois prêt, j'eus honte du reste, et tandis qu'elle achevait de refaire le lit, je me penchai pour baiser encore son joli menton. Mais alors, brusquement, une terreur inouïe me glaça. Dans le miroir en face, je voyais remuer une ombre, celle d'un homme, une tête qui s'avançait, nous cherchait. Maria la vit en même temps que moi. Son regard devint haineux, ses lèvres se pincèrent, mais elle ne dit rien. Et une seconde coula, longue comme un jour. L'ombre restait immobile. La lune avait marché. Je voyais une barbe seulement, une face vague, des yeux luisants, une main aussi cramponnée à une colonne. Pour nous surprendre, le mari avait dû grimper comme je l'avais fait, et maintenant il guettait notre sommeil. « Saute par l'autre croisée, derrière toi !» me chuchota tout à coup Maria. « Et toi ?» mourant d'envie d'être lâche et de fuir. Elle ne me répondit pas, mais son œil étrange me fit frissonner, et ce fut pour le mari que j'eus peur, en songeant à l'autre, le premier. Il n'y avait qu'à pousser les contrevents. Je reculai sans bruit, j'enjambai et sautai à terre. Ensuite, je courus comme un fou, me heurtant aux arbres, tombant et me relevant jusqu'à la caserne. Le lendemain, en plein jour, je ne pus me retenir d'aller aux nouvelles dans le village. De loin, j'aperçus Maria étendant du linge sur la haie, mais quelqu'un m'avait vu de son côté, le surveillant en chef, et en rentrant au quartier, j'avais sur son rapport 15 jours de prison. Le camarade qui me boucla descendait de garde. « Est-ce que le mari de Maria est rentré cette nuit ?» lui demandai-je. « Non, » fit-il, « il ne revient que ce soir, à la marée. » Alors, ce n'était pas le mari que j'avais vu. Une rage me blêmit. Mais quand je sortis de prison, l'empoisonneuse avait quitté le village et je ne la revis plus. C'était L'Empoisonneuse, par Paul Bonnetin.